Bonjour les amis, c'est moi, Mickey. Est-ce que vous voulez venir visiter ma maison? Je vous assure, ça sera trop cool. Il y a Mickey, enfin ça c'est moi, Donald, Dingo, Minnie et même Daisy. Et on danse, oh là là. Ah ouais, tu veux te battre, enfoiré? Moi, je vais te défoncer. Ya! Ya! Bili-bili! Ya! Ah! Eh! Oh! Rout-tou-plou-wa! Je connais le Kung Fu! Et aussi, je maîtrise les Keyblades! Oh, y'a tout à fait! Yo-ho-ho! What? Nya! Nya! Ah! Oh, j'ai avalé un truc de travers! Bazinga! Bazinga! Oh, j'adore l'humour! Dark Souls! Ah! Oh! Et! Tu vas voir avec moi que je suis un peu le Dark Souls des Disney! Ça ne veut rien dire! Merci d'être venu dans ma maison! Et surtout, n'hésite pas à me dire si tu en veux plus! Ah, ciao!